La limitation de vitesse me concerne. Si je vais tout droit, oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'emprunte la sortie, oui, réponse C. Non, réponse D.